على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, دونك بإذن الله نكونتينيو دان كتاب الزكاة. Donc nous avons parlé la semaine passée du jugement de la zakat sur les expositions commerciales. Et nous avons aussi montré la divergence des savants dans ce sujet. D'autres savants ont confirmé l'obligation de la zakat sur ce qu'on vend, c'est-à-dire ce qu'on expose, les marchandises qu'on vend. Et d'autres savants, tels que l'imam Shawkani, indiqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils disent la zakata fi rudi at-tijara. Il n'y a pas de zakat sur les expositions commerciales. Alors ici, qu'est-ce que nous avons dit pour sortir de la divergence et être sûr? C'est de faire la zakat si urud at-tijara. Car les savants qui disent qu'il n'y a pas de zakat si urud at-tijara, ils disent li adami urudi ad-dalil, parce qu'il n'y a pas de preuve qui vient montrer clairement que on doit faire la zakat sur les expositions commerciales. Donc voici la preuve, c'est-à-dire eux se sont limités aux preuves, ils ne sont pas venus. Maintenant, les savants qui disent que la zakat est obligatoire sur urud at-tijara, ils ont envoyé le hadith de. Le hadith, c'est quel hadith? Non. Ceux qui disent que c'est obligatoire de donner la zakat sur urud at-tijara. Ils ont envoyé le hadith de Khalid. Est-ce que c'est le hadith de Khalid? Non. Le hadith de Khalid. Dans le hadith, An-Najami et Zakah, ils sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre que Khalid a refusé de donner la zakat sur son armure et les armes. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Antum tadlimuna Khalidan. Vous faites du tort à Khalid, parce que Khalid connaît. احتبس أدراءه وأعتده في سبيل الله. Il a gardé ses armures et ses armes pour combattre sur le chemin d'Allah. Quelle est la preuve qu'ils ont tirée dans ce hadith? Quelle est la preuve qu'ils ont tirée dans ce hadith pour dire qu'il y a la zakat sur l'exposition commerciale? Non. Abu Abdurrahman. Le hadith, le faire. Ils disent qu'il n'y a pas de zakat sur le hadith. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui montre qu'on a fait zakat sur le hadith. Voyez? Donc, mais s'ils sont venus récupérer l'armure de Khalid, c'est qu'ils pensaient que Khalid avait gardé cela pour vendre. C'est compris? Voilà pourquoi ils sont venus prendre la zakat dessus. Tayyib, hada istinbat. C'est un istinbat et c'est un ijtihad. Ou d'autres savants. Ils disent que Khalid, il peut venir récupérer cela de Khalid parce que il peut aussi avoir la zakat dessus. Tayyib. Donc, ils ont envoyé beaucoup de paroles autour. Et parmi les preuves aussi, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, خُزْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Prends de leur bien la sadaqa. Et l'exposition commerciale, c'est-à-dire les marchandises du commerce, font partie de les biens de l'être humain. Ça va? Et nous avons montré ici que cette preuve ne tenait pas. Parce que les bijoux que nous avons vus, que les femmes mettent sur elles-mêmes, ça fait partie de leur bien. Mais pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas de zakat dessus? Parce qu'il n'y a pas de preuve qui est venue montrer cela. Ok? Ce que l'homme garde chez lui à la maison, c'est-à-dire les ikna, c'est-à-dire il garde. Par exemple, ses fauteuils, son lit, ça va? Tout cela font partie de ses biens ou pas? Mais est-ce qu'il doit donner la zakat sur ça? Donc, à la boule de Hal, masala tun khilafiya, c'est une masala de divergence. Là où on est plus sûr, c'est de donner la zakat dessus. Parce que ça fait partie des biens. Voyez, c'est ce que nous avons dit ici. Et c'est ce que le cheikh Ali Ravli, Rajaha, il a vu comme prépondérant. Ça va? C'est ce qu'il a vu comme prépondérant. Donc ici, on va voir les conditions de l'obligation de la zakat sur l'exposition commerciale, c'est-à-dire les marchandises. Première condition en table de nisab, ça doit atteindre le quota. Quel est le quota des expositions commerciales, des marchandises que tu vends? Quel est le quota? Le quota, on mesure sur quoi, Abou Zakaria? On mesure sur quoi? Le quota. Non, on mesure sur... Non, sur l'or. Ça va? L'or, on a dit que le quota de l'or, c'est combien? C'est 85 grammes. Alors, tu vas sur le marché, 1 gramme, ça fait combien? Tu prends le prix d'un gramme, tu multiplies par 85. Ça va? Le résultat que ça va donner, tu calcules maintenant ta marchandise dans la boutique. C'est-à-dire, si tu as commencé à vendre la marchandise, jusqu'à un an, tu es toujours dans la vente de la marchandise. Tu calcules maintenant la marchandise. Si la valeur, et puis tu ne calcules pas sur le prix d'achat, mais tu calcules sur le prix de vente actuel. Parce que la marchandise, le prix peut diminuer comme augmenter. C'est-à-dire quand tu dois donner la zakat, tu calcules sur le prix de vente. Ok? Maintenant, tu calcules la marchandise qui se trouve dans ton magasin ou bien chez toi, que tu es en train de vendre. Ensuite, maintenant, si tu calcules le prix et que la valeur de la marchandise dépasse le quota, qui est 85 grammes, la valeur de 85 grammes, alors en ce moment, la zakat, tu dois le faire. Vous avez compris? Ou bien je reviens? Ma faute. Donc maintenant la deuxième condition. An yahoula alayha al-hawl. Que l'année passe. Maintenant ici la condition n'est pas que tu calcules le quota. Maintenant si ça atteint le quota, tu dis je vais attendre un an après, je recalcule encore si c'est toujours dans le quota, ça veut dire que je dois donner la zakat. Non. On a dit ici, la fois dernière, qu'il faut considérer depuis le moment où tu as commencé à vendre cette marchandise. Ça va? Masalan, un boutiquier. Si tu as rempli ta boutique, ça va? Ou bien quelqu'un qui vend des voitures. Ok? Quelqu'un qui vend des voitures. Si tu as rempli, tu as commencé à vendre des voitures. Ou bien quelqu'un qui vend les pièces des voitures. Tu as mis dans ton magasin les pièces. Ça va? Quand l'année, c'est-à-dire depuis le moment, tu ne calcules pas ce qui est dans le magasin. À partir du moment où tu as commencé à vendre, jusqu'à maintenant, tu calcules. Si tu as commencé à vendre depuis le mois de Ramadan, le mois de Ramadan prochain, tu calcules ce qui est dans le magasin. Et puis maintenant, tu vas sur le marché. Le gramme d'or, tu as le prix. Tu multiplies le prix du gramme d'or en 85. Si cela atteint la valeur de ce qui est dans ton magasin, donc ça veut dire que tu dois donner la zakat. C'est compris? Tu dois donner la zakat. Non. Là, ici, il y a que quand on fait le calcul de la marchandise, c'est par rapport au prix de vente. Par rapport au prix de vente. Ce n'est pas le prix d'achat. C'est selon la valeur de la marchandise actuelle. Ok? Troisième condition. Ayam nikal rouge de fer qu'il détienne la marchandise par sa propre action. Kashira il rouge. Comme il a acheté la marchandise. Ça rentre dans sa possession ikhtiyaran par son propre choix. Yanib ikhtiyari. C'est-à-dire ici, si dans son magasin, il y a quelque chose qu'on lui a donné pour vendre, c'est pas pour lui, ça ne rentre pas dans les marchandises qu'il doit donner là. Zakat dessus. Il ne calcule pas ça. Mais s'il a pris des marchandises à crédit, c'est pour lui. Il doit donner la zakat dessus. Ok? Parce qu'il a acheté. Vous avez compris? Mais les marchandises qu'on a envoyées, par exemple, chez lui, pour dire « Vends ça pour moi », ne rentrent pas dans au rouge. Vous avez compris? Il ne rentre pas dans le rouge qui doit faire la zakat dessus. Parce que l'état de milki, ce n'est pas pour lui. Ça va, lui, il est mouakel. On l'a chargé. Il y a le taoufil dans le commerce. On peut te charger de vendre quelque chose. Et tu fais le point à celui qui t'a demandé de vendre. Ça va? Ou bien on appelle cela al-war, c'est taoufil bay. L'intermédiaire dans le commerce. Ok? On va voir, Inch'Allah, les détails de cela, parce que quand on va rentrer dans le chapitre du commerce, là, tous les types de commerce que les gens font aujourd'hui, on va détailler tout cela pour que vous compreniez. Malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui rentrent dans le bas du commerce, mais qui savent. Beaucoup rentrent dans le haram, beaucoup, bilkasra, sans même le savoir. Et ici, ils sont excusés ou ils ne sont pas excusés? Non? Ils ne sont pas excusés. S'ils mangent 5 francs de haram, ils ne sont pas excusés. Parce qu'au préalable, tu dois apprendre, tu dois connaître les conditions du commerce avant de rentrer dans le commerce. Islamiquement. Tu es musulman. En tant musulman. Donc tu dois connaître les conditions du commerce. Il y a des commerces qui ne sont pas permis. N'est-ce pas? Qui veut me donner un exemple de vente qui n'est pas permis? Non? Vente de porc. Allez, c'est un exemple. Mais avec soi, hein? On ne vend pas le haram. On ne vend pas ce qui est haram. Non? Vente ce qu'on ne détient pas. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تملك. Ne vends pas ce que tu n'as pas. لأن هذا يسمى بيع الغرام. Ça va? هذا حرام. Ça c'est interdit. مثلا tu dis à une personne que j'ai la marchandise, donne-moi l'argent. Tu n'as pas la marchandise. Après, si tu vas à Djamé pour aller acheter, tu enlèves-toi dessus. Et puis tu lui envoies sa marchandise. Hada haram. Mal. Oui, mais c'est ça, les musulmans ne savent pas. Abu Soumaya, est-ce que tu peux prendre son argent sans tomber d'accord? D'abord, tu ne lui vends pas si tu n'as pas. Ça va? On va expliquer ça au moment voulu. Il y a des commerces qui ne sont pas permis. Masalan, al-bay, vendre quelque chose, on est rentré même dans le commerce. Vendre quelque chose qui n'est, dont la personne va prendre pour désobéir. Mais la chose peut être permise. Par exemple, tu vends du raisin. Mais tu sais, celui qui vient acheter, il va faire le vin avec. Tu le vends? La preuve, c'est quoi? Wa ta'awanu alal. Wa la ta'awanu alal ismi wa l'udwa. Ne vous entraînez pas dans le péché. Wa la haram. Ça va? Et le commerce aussi après le deuxième azan du vendredi. La yajouz. Pourquoi? Alali, ya yuwalladina amanu, iza nudia lis salati min yawmir jumwa fasa'u ila dhikri lawa, wazarul bay, délaissez le commerce, ne vendez plus. Donc si tu vends ce moment haram, bien sûr sauf pour une femme, celle que la jumwa n'est pas, les femmes la jumwa n'est pas obligatoire pour elle, non. Les savants, ils ont dit, excepté la femme. Celui dont la douma est obligatoire pour lui, il ne doit pas manger. Ok? Donc, il y a ces gens de commerce. Moi, ça là, je suis en train de vendre du couteau, les couteaux et puis les trucs. Et puis, il y a deux personnes qui sont en train de faire par là. Il y a un qui court et puis il vient, vends-moi ton couteau. Donne-moi un couteau rapidement là-bas. Je le donne. Il veut prendre pour aller ouvrir le ventre de l'autre là-bas. N'est-ce pas? Adama et Jos, non. Non. Celui qui achète aussi, la Jos. On ne vend pas, on n'achète pas. Ça va? Donc voici ce que je voulais expliquer. Maintenant, ici, non. Par rapport au deuxième argent, je ne vais pas par exemple, tu es non, si tu n'apprends pas la zone, tu es excusé. Mais si tu connais, surtout si l'heure a été fixée. Tu sais que c'est à 7h, généralement, les gens font azan de vendredi. Tu ne dois plus acheter, tu ne dois plus. Ça va? Maintenant, Amma ma warrasahu, c'est qu'il détient lui-même. Mais quant à ce qu'il a hérité, min amwalin, parmi les biens, fallait être min aro de tijar. Ça ne rentre pas dans l'exposition commerciale. Ça reste son héritage. Ça va? Et Anna a dakhalati milkihi min ghayri fi'lihi. Parce que c'est rentré en sa possession sans que ça ne soit lui-même son acquisition. C'est compris? Lui-même, il n'a pas acquéri cela par son propre effort. Ok? Fabi Mujarrad Ammat al-Muwarri. Le simple fait que celui qui lui donne, on appelle ça, on appelle comment? L'héritier, comment c'est? Hein? Non, pas l'héritier. Le défunt. Lorsque le défunt meurt, directement il devient héritier. Hein? Donc, intakala il a mérité. Ça vient en sa possession. Est-ce qu'il a fait des efforts pour avoir? Donc, ça, ça ne rentre pas dans ce qu'il doit. Non. Mais, je précise, Si son père décède pour laisser un magasin, il vend à l'obsidiaire. Ça va? Là, on parle de ce qu'il hérite en dehors de ce qui est vendu. Ok? S'il décède pour laisser un magasin et que lui continue dans la vente et l'achat, ça devient mine, c'est élégé. Parce que c'est lui maintenant qui fortifie cet argent. En ce moment, il doit faire la zakat. C'est-à-dire s'il commence à travailler dans ce bien-là, il doit donner la zakat. Mais s'il ne travaille pas dedans, par exemple, son père est décédé pour laisser un magasin. Il a décidé de garder le magasin pour ne pas travailler dedans. Vendre tout ce qui est dedans et puis garder son argent. Même s'il n'en est pas dessus, il ne fait pas de zakat dessus. Parce qu'il a donné sa mine, fidèle. Ce qui est dans le magasin, il ne l'a pas obtenu par son propre fonds. Non. Non. Non. Sauf si cela est réuni dans, comme on va voir par exemple, ceux qui louent les maisons, les locations des maisons. Il y a zakat dessus ou il n'y a pas zakat? Il y a zakat? Ça va? Il y a zakat dessus. Voilà qui, si Masalam, ton père, il décède, c'est un exemple, hein. Je n'ai pas parlé de ton papa. Il te laisse de l'argent. Il te laisse une cour. Ça va? Et dans la cour, il y a des maisons à location. Faut te concentrer, faut t'asseoir. Il y a des maisons à location. Alors, il t'a laissé. Si toi tu décides de garder la cour pour en faire d'autres usages, alors tu n'as pas des zakat à donner. Ok? Par exemple, l'usage de transformer les maisons pour pouvoir habiter dedans. Est-ce qu'il y a la zakat sur l'habitation? Là. Tu comprends? Mais si tu décides de reconduire les locations, tu commences à calculer depuis le moment où ton père est décédé, et tu as décidé dans ton intention de reconduire, s'il n'en est pas dessus, tu calcules. Comment tu calcules? On a déjà vu. Ça va? On ne va pas dire que tu calcules chaque mois. Jusqu'à la fin de l'année, tu calcules toute la somme et puis là. Ce n'est pas cela. Par exemple, si tu as commencé dans le mois, on a peut-être rentré dans un sujet alors qu'on n'a pas encore dépassé l'autre. Mais à la cour des hages, je détaille pour que vous compreniez. Si, par exemple, tu as commencé à compter depuis le mois, mais tu ne comptes pas sur les mois grégoriens. Ça va? Tu comptes sur les mois du calendrier islamique. C'est compris? Bon, ici, par exemple, tu commences à reconduire les locations des maisons dans le mois de Shawwal. Dans le mois de Shawwal qui vient, la fin du mois que tu vas encaisser, c'est ce que tu calcules. Si ça vaut le nisab, tu fais la zakat. Si ça ne vaut pas, tu ne fais pas la zakat. Est-ce que tu as compris? Bon, ici, il y a compris. De l'autre côté, là, vous avez dit, il n'y a pas de zakat, c'est tout hérité. Alors, si vous comprenez, si le père est parti... Il faut qu'il demande, parce qu'il est propriétaire. Hein? Vas-y. Si le père est parti, bon, lui, il décide de le conduire, mais il y a des biens qui sont là. Ça va. C'est parti, on ajoute sur l'autre après un an, mais l'autre. Non, c'est bien là. Non, c'est bien là. Ça, on n'ajoute pas. Ça, c'est un pas. C'est qui? C'est là que commence sur la location, le nouveau compte. C'est le nouveau compte. Quand l'année passe dessus maintenant, tu calcules ce que tu as reçu dans le mois. Ce que tu as reçu du moment où tu dois donner la zakat. Tu comprends? Ça va, tu calcules le nombre de maisons, même si tu n'as pas encore reçu, mais le nombre de maisons, la valeur. Par exemple, si une maison fait 50 000 et tu as 6 maisons, chaque maison, tu calcules 50 000 fois 6, ça fait 300 000. Tu regardes maintenant les 85 grammes d'or. Si ça vaut 300 000, alhamdulillah, c'est... Mais si 300 000 ne vaut pas les 85 grammes d'or, alors tu n'as pas de zakat. Tu calcules la valeur de chaque maison. Est-ce que vous avez compris? Non. Voilà, je voudrais que, par exemple, les gens aient su la difficulté sur la maison. Parce que, par exemple, les papas, en fait, les deux mois, ils ont aidé la maison. Non. Les gens au niveau de la boue, la tour, la femme, ils ont aidé la maison. Et il avait fait des décisions. Avant que la date, il n'y a pas de zakat. Non, non. Parce qu'il est décédé avant que la date de la zakat. Donc il n'y a pas de zakat. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus ses biens. Ce sont les biens de ses héritiers maintenant. Maintenant, et si c'est le jour, c'est-à-dire que dans les jours, on doit faire la zakat. Mais maintenant, si le en fait, il faut comprendre que la zakat, c'est d'un mois à un autre. Par exemple, si tu as donné, même si tu as donné ta zakat le 29 Shawwal, du moment où le Shawwal prochain, tu rentres dans le premier Shawwal, ta zakat est obligatoire. Parce que c'est dans le mois, de... mais pas forcément le 29 Shawwal. C'est-à-dire que c'est le Shawwal à Shawwal. Tu as compris? Non. Maintenant, si le vieux il décède avant que Shawwal ne rentre, Masala, alors tu n'as pas de zakat. On ne va faire pas de zakat sur ce bien. Parce que ce bien-là ne l'appartient plus. Ça va? Ce bien a quitté sa possession avant que Yahoulou alayha al-Hawl, avant que l'année passe dessus. C'est bon, vrai? On va continuer. On ne veut pas qu'on soit en retard. Il y a beaucoup de questions. Hein? Non. Et puis maintenant, quatrièmement, quatrième condition. Ayam likaha. Qui détient ce bien, c'est-à-dire ce bien biniyatitika dans l'intention du commerce. Vous avez compris? فَلَوْ مَلَكَهَا بِنِيَّةِ الْإِقْتِنَاعِ s'il a détenu ce bien dans le fait de garder cela, اِقْتِنَاع pour lui-même. Ça va? Il n'y a pas de zakat dessus. Il y a des choses à cela, il n'y a pas de zakat dessus. Mais quand tu commences, tu as eu l'intention de vendre déjà, il y a la zakat dessus. Par exemple, celui qui achète un terrain, et son intention, c'est de vendre le terrain. Chaque année qui passe, il calcule la valeur du terrain. Si le terrain fait 2 millions, il regarde si le quota vaut 2 millions, et puis il donne la zakat. Ça va? S'il a gardé pour moi. Maintenant, s'il a gardé pour sa propre possession, ça va? N'a pas eu l'intention de vendre le terrain. Alors il n'a pas de zakat. Il faut bien préciser cela. Il n'a pas de zakat. Maintenant, il ne faudrait pas que tout soit malin. Ils vont dire non, on va garder pour juste posséder. Mais il a une intention cachée là-bas. Et camouflé, il dit, ah, regarde, j'ai dit, ça a une valeur là. Je vais voir. Il y a des gens, Masalam, ils ne déposent pas leur argent en banque. Je connais un vieux comme ça, il ne met pas son argent en banque. Il a l'argent, il va acheter un terrain. Il fait les papiers, il est tranquille. Il a encore de l'argent, il va acheter un terrain. Mais dans son intention, c'est que ce terrain va prendre de la valeur pour qu'il puisse revendre. Donc s'il a l'intention de cela, chaque année il doit donner la zakat sur le terrain. Même si c'est 10 terrains, il calcule tout ensemble. Et la valeur des 10 terrains, il et la zakat. Et la valeur peut varier d'un endroit à un autre. Ça va, dans d'autres endroits, les terrains sont à peu près 2 millions, d'autres endroits c'est 3 millions, d'autres endroits c'est 5 millions, d'autres endroits c'est 100 millions. Ça va, ils calculent tout ça, et puis faire la zakat dessus. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas ça. Allez, c'est la zakat. Là, ils font nada. Ils ne connaissent pas. Donc si tu as détenu cela dans l'intention de vendre, alors tu dois faire la zakat. C'est parmi les conditions. Falaou malaka abini yadil etina, mais si il a détenu cela, c'est-à-dire il a cela, mais dans l'intention de posséder, pas pour vendre, fala zakat afi. Il n'y a pas de zakat à donner. Wakaza laou malaka abini yadil etina, aoubil ir, c'est-à-dire il a détenu cela dans l'intention de posséder seulement. Ça va? N'importe quelle chose. Par exemple, si toi tu as gardé un appareil, comme par exemple, certaines personnes, ils ont leur téléphone dans la main, et puis ils ont l'intention de vendre. Si le téléphone avait un an dans ta main, tu calcules la valeur. Si ça vaut la zakat, tu donnes la zakat. Et là, c'est pas les technos là. Parce que les technos, là, ça ne vaut pas 100 000. Souvent. Ça ne vaut pas 10 000. Hein? Et souvent, les iPhones. Hein? Quand on a encore la compréhension. Alors ici, si je tiens aussi des chevaux, ou bien n'importe quelle chose, mais il a seulement détenu cela pour posséder, c'est pour lui-même sa propre utilisation, il n'y a pas de zakat. Mais madame, il a l'intention de vendre, alors il doit commencer à compter du moment où il a pris l'intention jusqu'à donner. Mais s'il interrompt l'intention, il n'a plus de zakat. C'est compris? Non. Donc ici, le animal asla al-kunya, parce que la base, à fond ici, c'est-à-dire qu'il a voulu posséder et il a eu maintenant l'intention de vendre. Il n'y a pas de zakat. Il y a al-konya. Ça va? Car la base, c'est la possession. Ici, par exemple, il a détenu cela pour utiliser. Ensuite, l'intention de vendre est venue. Il ne fait pas la zakat de sur le champ. C'est ce que le chèque lui dit ici. L'intention est venue, le moment où l'intention est venue, il compte de ce moment-là jusqu'à un an. C'est compris? Non. Watijara Ari, parce que le commerce est quelque chose qui vient s'interposer. Voilà, il est à Bimoudjara de Niya et il ne va pas arriver à faire la zakat par une simple intention. Sur ce qu'il a pris l'intention de faire, de vendre déjà. Sauf si ça a passé un an auprès de lui. Ok? Wainishara Ardan, le tigara. S'il a acheté une terre pour vendre, Fanawal Ikna, il a eu l'intention de posséder. Sora lil Kunya, c'est pour la possession. Et la zakat tombe. Parce qu'il a pris cela pour posséder. Ça va? Et il n'est pas revenu voulant le vendre. Donc ça change de l'intention du commerce à une chose dont tu veux détenir, tu veux posséder. C'est compris? Faïza balagat arou de tijara nisab. Si l'exposition commerciale atteint maintenant le quota, wa nisab wa kan nisab al arwa kan nakhdiya. Alors son nisab est considéré comme le nisab de arwa kan nakhdiya. Pourquoi tu tournes les yeux? Un sommeil. Le nisab est comme le nisab des billets. Ça va? Parce qu'on compte les histoires des biais, tu vois? L'or, n'est-ce pas? Donc son histoire est pareille. Wahala alayhi al-hawl, et la néfaste du chien, qu'au il évalue. Aïkoddara tamana, il évalue le prix. Akhir al-hawl, à la fin de l'année, bi qimatihi waqt at-taqwim. Dans sa valeur, le moment il commence à évaluer. Vous avez compris maintenant? Dans sa valeur. Le moment il commence à évaluer maintenant. Ça va? Wa akhraja rub ushru qimatahu. Ça va? Et il donne maintenant un zakat rub ushru, c'est-à-dire le quart du dixième de la valeur des marchandises. On va aller ensemble pour que on puisse comprendre. Par exemple, avant de venir parler du quota, on va d'abord parler du quota. Mazalan, je vais sur le marché et le gramme d'or fait 18 000. C'est un exemple, hein? Le gramme d'or fait 18 000. Ça va? Je fais 18 000 multiplié par 85. C'est un exemple, hein? Ça me donne 1 530 000. Donc c'est ça le quota. Je value les marchandises qui sont à ma possession. Parce que l'année est finie. Ça va? Si les marchandises qui sont à ma possession font 1 520 000, alors j'ai pas de zakat. 525 000, j'ai pas de zakat. Ok? 529 000, 500. 1 529 500, c'est combien qui manque? Il n'y a pas de zakat. Jusqu'à ce que il dépasse de 1 franc ou 2 francs. En ce moment, maintenant, j'ai la zakat. Ok? Maintenant, comment je calcule cela? Rouboule au champ. J'ai deux manières de calculer. Si j'ai maintenant à ma possession 2 millions dans mon magasin, ça va? Qu'est-ce que je fais? Je divise les 2 millions d'abord par 10. Ça me donne 200 000. Je divise encore les 200 000 par 4. Ça me donne 50 000. Voilà 50 000 que je dois donner en zakat. T'as compris? Ou bien, la deuxième manière, j'ai 2 millions de marchandises, la valeur des marchandises dans mon magasin font 2 millions. Donc, je divise 2 millions par 40. Ça me donne toujours les mêmes 50 000. Je le divisais par 10, ensuite divisé par 4, je divise directement par 40. Voilà la qima, qui est un robot osho, qui est le quart du dixième. Tu as compris? Nam. Nam Taufik. Oui. Et si quelqu'un, la première machine, la valeur vous le disons, mais lui il n'a pas l'argent pour donner mais la marchandise. Est-ce que donne au Seigneur la marchandise par zakat? Non, ça c'est une très belle question. Il y a certains savants qui sont allés, tels que le cheikh Abdelaziz, Ibn Baz, vous dites, s'il n'a pas l'argent, il donne la marchandise. Ça va? Il donne la valeur à une marchandise. Ok? Mais les savants, ils sont toujours allés dire ce qui est profitable aux pauvres. Et ce qui est profitable aux pauvres, c'est quoi? C'est la valeur, c'est lui donne un argent. Mais Mazalan, si toi tu dois faire la zakat sur les vélos, tu vends beaucoup de vélos, et puis tu dois faire zakat, et la prime de ta zakat, c'est aller tomber sur un vélo. Et puis le pauvre, lui, il a déjà vélo, ou bien il n'a pas vélo, tu lui donnes un vélo. Tu vas encore le mettre dans la difficulté d'aller vouloir vendre ce vélo Parce que il a besoin d'argent pour se nourrir. Ok? Dans ce moment, les savants disent, voilà où un taqtari, même si tu dois prendre quelque chose avec quelqu'un, pour donner en valeur l'argent. Et beaucoup sont allés sur ça. Que de donner à la marchande. Mais ils n'ont pas écarté la possibilité de donner en marchandise. Ok? Là, le chef Ali Ramli même va aller sur le fait de donner en marchandise. Écoutez sa parole. Ici, il a dit, فَإِذَا كَنَا إِنْدَ تَعْجِرْ بِدَاعَ. Si le commerçant a une marchandise, بَلَغَ النِّصَابَ, et ça atteint le quota, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ, et l'année a passé dessus, بَدَعَ بِتَقْوِيمِ بِدَاعَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Il commence à évaluer sa marchandise depuis ce moment. وَلَا إِبْرَةَ بِقِيمَتِهَا إِنَّ اشْتَرَاهَا. Il n'a pas de considération sur sa valeur au moment où il a acheté. On ne considère pas cela. C'est-à-dire le prix d'achat. Dans le mouillé, ce qui est le plus important, wa qimatuha hina hala alayhi al-hawl. Lorsque l'année passe dessus, wa qimatuha bisaman al-bay'. Écoutez bien. La qima, c'est le prix de vente. Ok? Fa yuqawwimuha, il évalue summa yukhrij rubul ushr qimat al-haliyya. Et donc, la qima, c'est haliya. Il a dit quoi? Al-qima. La valeur. Ok? Alors, on va voir une dernière masala. Excusez-moi, on va finir ce sujet avant que vous posiez les questions. Ok? Vous pouvez noter déjà les questions que vous avez. Masala tout. Et cette masala qu'on va traiter, c'est la pluie. Ouais, ça vient avec la pluie, bien sûr. Donc, ici, fermez la porte. Ici, par exemple, on va aller sur Masala, qui est très important. هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أم مالا؟ Voilà la question. C'est Taufik qui a posé. Ok. Donc ici, est-ce qu'on donne la zakat de l'exposition commerciale en marchandises ou bien en argent? وهل تضم est-ce qu'on ajoute Rulu tijara il a nukuni finisab. Est-ce qu'on ajoute l'exposition commerciale et puis l'argent dans les nisab? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, tu as calculé ta zakat de ton argent. Et maintenant, dans ta marchandise, aussi dans le magasin, tu as calculé la zakat de cela. Est-ce que tu peux mettre les deux ensemble pour faire une seule zakat? C'est compris? Est-ce que tu peux faire cela? Alors ici, taqrud zakata, tu donnes la zakat de cela à awraq naqdiya, en biais, min awraq ahli al-balad. Parmi les billets des gens du pays. Par exemple, nous, chez nous, ici, on consomme quoi? Quel billet? Le franc CFA. Ça va? Tu ne vas pas donner la zakat en euros. Ou bien en dirham. Ou bien en dollars. Ça va? Soyez. Ensuite, les annal aslal masdoubou lahou. Car la base qui est demandée, faqas douhou wa muradou mourou al kima. Le but et l'objectif doit être la valeur. Wahadil Rout et ses expositions la lam tashtari illa ibtira'i qimataha wa walmahaj. Car ces expositions commerciales, tu ne les as achetées que voulant de l'argent derrière. N'est-ce pas? Quand tu vends les choses, tu veux quoi? Tu veux l'argent. Donc voilà pourquoi tu dois donner la zakat de cela en argent. Ok. قال ابن عثيمين الشيخ عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قوله il dit zakka qimataha, il doit donner la zakka de sa valeur. Aïe, la aïna, c'est pas la marchandise elle-même. Fala yajuzu ikhraju zakat min aïni ma u'idda litija'a. Donc ici le cheikh, il allait, cheikh Othémine, il allait sur le fait de dire qu'il n'est pas permis, mais je dis il y a d'autres savants qui ont émis la possibilité de le faire. Il n'est pas permis de donner la marchandise qui a été mise pour vendre en zakat. لأن العين parce que la marchandise في عروض التجارة غير ثابتة. Car la marchandise dans l'exposition commerciale en zakat, c'est pas venu. Ok? فالمعتبر المخرج منه, ce qui est considéré et ce qu'on doit enlever, هو القيمة, c'est la valeur. لأن القيمة, car la valeur, أحب لأهل الزكاة غالبا, c'est ce que les gens qui méritent la zakat aiment. La قيمة, la valeur. Ça va? وَتُضَمُّ قِيمَةَ عَرُوضِ التِّجَارَ إِلَى النُّقُودِ فِي النِّصَابِ. Et on ajoute la valeur de l'exposition commerciale de la zakat qui sont au billet, c'est-à-dire à l'argent que tu veux donner en zakat que tu as gardé, par exemple, dans ton compte bancaire. Ça va? لِأَنَّ النِّصَابِ, parce que le nisab مُتَبَرُ بِالْقِيمَةِ, il est considéré par la valeur. La valeur, c'est quoi? L'argent. Pourtant, tu veux donner aussi la zakat de ton argent. Donc, tu mets les deux ensemble. Ça va? Mais si les deux n'atteignent pas, tu n'as pas de zakat sur l'un ou sur l'autre. Tu as compris? Mais d'autres savants disent que même si les deux n'atteignent pas, tu mets les deux ensemble. Pour que ça atteigne, pour que tu donnes la zakat. Ok? Non. وهذا on va voir الإجماع concernant cela. OK? Donc ici فتضم قيمة عروض التجارة إلى الأوراق النقدية, on ajoute sur le billet وتتم بها النصاب. Voilà ce sur quoi le chèque il est. On complète le nisab avec. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, moi, j'ai lancé moi les 500 000 sur mon compte. Et que dans mon exposition commerciale, je vais évaluer ça vaut 600 000. 500 000, ça n'atteint pas le nisab dans mon compte. Et 600 000 n'atteint pas le nisab. Mais si j'ajoute les deux ensemble, ça atteint le nisab. Donc j'ajoute les deux ensemble et puis je donne la zakat. Voilà, vous savez. Vous avez compris? C'est ce qui est sabit. Tayyib. Walnakul. Alors les gens qu'on dit, inna shakhsan yamliku alfa dinar. Une personne détient 2000 dinars. Walnisabul mal yaw, et le nisab de l'argent aujourd'hui, c'est 3343 dinars. Ça va? Lianna qimat ghiram zahab al yaw, parce que la valeur du gramme de zahab aujourd'hui, c'est 39,33 dinars. On va maintenant essayer de calculer sur le nisab de l'or. Wahua, mala, khamsua, samanuna, hiram. C'est 85 grammes. Alors, le nisab sera 3343 dinars. فلو ملك هذا الشخص ألف دينار si ce homme-là détient 2000 dinars وعروض التجارة قيمتها ألف دينار et la valeur de son de عروض التجارة c'est-à-dire de l'exposition commerciale dont il a voulu faire la zakat dessus est aussi 2000 dinars فعلى عليه الزكاة est-ce qu'il doit donner la zakat نعم عليه الزكاة il doit donner la zakat il met les deux ensemble. C'est obligatoire qu'ils mettent ensemble c'est-à-dire la valeur de Aroud sur les Aroq Nakdiya. Car la zakat est obligatoire dans sa valeur. Et il ajoute à cela. Qala Ibn Qudama fil Mughni. Ibn Qudama il dit dans son livre Al Mughni. Fa inna arud at-tijara, l'exposition commerciale tudammu ila kulli wahid min adh-dhahab wal fidda. On ajoute à l'or et puis l'argent. Wa yuqmalu biha an-nisab. Ça va, et on complète le nisab avec. Et il a dit la na'lamu fihi khilafan. Ça va, on ne connaît pas d'ikhtilaf. قال الخطابي خطابي دي لا اعلم عامتهم اختلفوا فيه. Je ne sais pas et je ne connais pas, je n'ai pas vu des divergences. عامتهم يعني عامة العلماء. La majorité des savants. وذلك لأن الزكاة قال زكاة إنما تجب في قيمتها. قال زكاة obligatoire dans sa valeur. بكل واحد منهما. Chacun de ses biens. Fatudammu ila kulli wahid minhuma. Alors on peut prendre la valeur de arud tijara et puis la valeur de l'or ou bien l'argent pour pouvoir mettre ensemble, compléter le nisab et puis donner la zakat. Ça va? Mais si les deux ne sont pas dans le même moment, ils donnent la zakat de chacun. T'as compris? Mais tu peux forcer aussi pour que ça soit dans le même moment. Parce que nous avons dit que tu peux donner la zakat de ton bien, même si ça n'a pas atteint les 1 an. On a dit cela. Mais l'obligation, c'est les 1 an. Ça va? Maintenant, s'il y a un décalage entre arôme et tijara, dans ton exposition commerciale, et ton argent que tu as sur toi, il y a un décalage. Par exemple, tu dois donner l'argent dans Ramadan, et puis tu dois donner pour les saisons commerciales en Rajab. Rajab, ça va, Ramadan? Donc, tu, pour l'exposition commerciale, tu ramènes à Raja. Ça va? Et tu donnes les deux ensemble. Pour que chaque année, tu puisses donner les deux ensemble. Ok? Qala al-mu'allif. Wal-mustaghallat. Al-mustaghallat, ce sont ce qui est exploité et utilisé. Al-annahu la zakata fil mustaghallat. Il n'y a pas de zakat dans ce qui est utilisé ou bien exploité. Ok? Al-mustaghallat ou hiya al-ashiya illati yuntafa'u biha. C'est les choses dont on profite, wa tustaghallu, et on utilise. Fa'innahu la zakata fiha. Il n'y a pas de zakat dans cela. Car c'est yarad, comme les voitures que tu roules, wa dawab, les bêtes que tu montes dessus ou bien tu élèves chez toi à la maison. Wa man yustamalu min al Asas ou al-alat al-sina'iyya. Ce qu'on utilise parmi les outils et les instruments fabriqués. Al-asas, par exemple, les instruments électroniques, la télévision et autres. Hein? Kal-minchar ou al-mutarraqa. Tel que, par exemple, aussi, le minchar, c'est-à-dire la scie, ou bien le marteau. Ou al-alat al-masani. Ou bien les outils qu'on utilise pour, hein, arranger les choses ou bien les outils fabriqués. Fala zakat fiha. Il n'y a pas de zakat. Kadour ilati tu'ajjir. Par exemple, comme les maisons que tu loues. Ammal ujra. Ça va? Les maisons que toi tu loues, tu n'as pas de zakat à donner dessus. Parce que tu loues toi-même. Ça va? Mais c'est vrai, le moment où tu es en train de louer, c'est en ta possession. Ok? Le moment où tu es en train de louer, c'est vrai, ce n'est pas le vrai propriétaire, mais quand quelqu'un vient garder quelque chose, il dit, c'est chez moi. Donc ça rentre dans ta possession ou pas. Hein? Voilà qui, ce qui est l'oujra, c'est ce que tu as mis pour louer. Fa'innahu iza hala alayhin haul, wa balagha nisab, si la n'est pas dessus, ça donne une nisab, kana fiha zakat. Il y a la zakat dessus. Ok? Beaucoup de personnes ne savent pas ça. لِأَنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ زَكَاتِ الْأَمْوَالِ النَّقْدِيَّةِ. Parce que ça devient, ça rentre dans les zakats des billets maintenant. Parce que tu profites de cela. C'est comme un commerce. N'est-ce pas? وَذَلِكَ لِكَوْلِهِ. Cela à cause de la parole du professeur Salam. لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَفِهِ. Le musulman n'a pas de zakat sur son esclave ni sa monture. C'est-à-dire ce qu'il détient pour utiliser. إلا إذا اتخذ شيئا sauf s'il a pris quelque chose من ذلك للتجارة il a pris pour vendre ok لأنها تسير عندها car ça devient maintenant auprès de lui من ورود التجارة ça rentre maintenant dans les expositions commerciales ça va donc nous avons fini la partie et Inch'Allah dans notre assise prochaine on va parler de la zakat des annabat, des, on peut dire les cultures, les plantes, ça va? Tout ce qui rentre dans les plantes, c'est-à-dire le mil, le maïs, comment? À quel moment on doit donner la zakat? Ça va pour celui qui plante. Et aussi, il y a des, par exemple, si tu plantes maïs, par exemple, le riz, ou bien quelque chose comme ça, si c'est toi-même qui arroses, alors, il y a une manière de donner la zakat. Si c'est pas toi-même qui arrose et que c'est la pluie qui descend, ça va? Donc, tu dois donner la zakat complète. Mais si c'est toi-même qui arrose, tu donnes la moitié de la zakat qui est dessus. On va voir cela, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous accorde la compréhension. Je vous encourage vraiment de réviser ce livre et de comprendre ces matériel parce que c'est important. Vous pouvez vraiment aider beaucoup de personnes à comprendre ce sujet parce que beaucoup ne comprennent pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Abdelaziz, t'as compris? Non. Moi, si ton dégât, il y a le zakat. Non. Tu vois le dégât? Non, mais vous avez dit qu'on consomme la marchandise et que ça fait un an. Mais toi, tu as commencé à avoir le dégât, ça fait combien d'années? Ça dépend de nous. La marchandise existe. La marchandise existe. Jusqu'à maintenant, il existe. Sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Wa alihi wa sallam.